22. Observation, negation. Positif, oui. Pressé. Négatif, non. Pas pressé. Malade, pas malade. Fatigué, pas fatigué. Il est pressé. Il n'est pas pressé. Elle est malade. Elle n'est pas malade. Elle va bien. Elle ne va pas bien. Note that pas is a negative word.